sais qui je suis et si tu sais d'où je viens et que tu te demandes aussi pourquoi je me plains face à tant d'affronts, j'irai pas porter plainte. Serre le poing, affronte les biens, quitte à la fin porter un plâtre. Envieux comme un éthiopien qui crève la dalle devant un plat de pâtes ou un saoudien devant une chaîne à quatre pattes. Tu te demandes jusqu'où je suis capable d'aller. Sache qu'ammoniaque perd pas le cap. Tu te demandes de quoi je suis en train de parler, car c'est pour les mecs quand dans le crâne et ceux qui aiment pas crâner. Jubile pas quand y'a une caisse qui crame, c'est l'autarcie qui s'installe. Tous disent qu'on est qu'un écran. Je veux pas de stèle sur un ciel bleu pastel. Sois pas hostile tant que t'as pas pécho le style Apache. Autant qu'y a de profs fébriles dans nos écoles, pendant que leurs mômes se la font belle dans le privé, sacré bémol. Ce que je sais, c'est que l'éducation, c'est la grande braderie. Ici, y'a combien d'énarques à la maladrerie? Zéro comme le nombre de logements sociaux à Neuilly. Mal de nique, s'endeuiller, et c'est ça le souci. Pas de confidence, pas de conquidance, mon rap. Quelques réflexions au fond sans grande incidence. J'suis pas le genre à faire monter le tarot pendant l'incendie. J'sais qui j'suis, d'où j'viens. Pas là pour faire du pognon, ainsi dont mes amis pensent. Et j'sais que là-bas ça jase, y'a pas de confiance. Tout ça parce qu'ils ont main basse sur le bise et des tatas. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et c'est ça 93, des tas de cesse du charas. Dans ma tête, la tempête sur un ciel azur. T'assure, viens pas me parler de préau. Il était où quand on perdait 1-0 sous le préau? Quand une gosse crie au viol dans le pied d'un prêtre, ou quand la jeunesse d'ici se brûle, les ailes envolent. Dernier envol dans les rues de ma ville, les rues de ma ville. D'ultime rappel, la pluie annonce les non-dits. Seules les saisons changent, les résolutions restent. La rage incrustée dans les allèles de mon ADN. Et compte pas sur mon panel d'idées pour un happy end. Pour un happy end, pour un happy end, pour un happy end.